Chapitre 3. Marchands de cordage, toiles à voile, instruments de pêche en eau douce, appâts pour poissons, ferblanterie, quincaillerie, etc. Cyril Goron, établi à Rouen, rue Jeanne d'Arc, vivotait tranquillement, mais sans parvenir à faire de réserve pour ses vieux jours, lorsqu'il avait hérité, par sa femme, de la ferme que les parents de celle-ci possédaient à Jumièges. La maison du propriétaire était située à 100 mètres de l'abbaye. Cyril y était venu voir son beau-père à l'agonie, et, n'osant passer l'eau, n'avait pu visiter sa propriété, de l'autre côté de la Seine. Jusqu'alors, il ne s'était pas inquiété de la connaître. Les fermiers payaient régulièrement. Sa femme y faisait, de temps à autre, une courte apparition, et comme il y avait été élevé, en parlait souvent. À Jumièges, où il était venu, autrefois, étant fiancé, savait amuser les gens, son refus de voir son futur bien. Mais à quoi bon railler? Sa terreur de l'eau était insurmontable, et faire exprès le voyage par terre demandait 2 jours au moins, quand il n'y avait à perdre que 5 minutes pour passer sur la barque du père Cendré. Si au moins de la berge il avait pu la voir, cette ferme, même avec la lorgnette du matelot. Mais elle ne commençait qu'au sommet de l'autre versant de la colline. Le fermier, se disait-il, a peut-être quelque raison de se plaindre de la peine qu'il prend à faire des affaires. Parbleu, il connaissait bien sa femme, très bonne ménagère, mais dure à la détente, qui lui laissait juste de quoi avoir du tabac, à ce point qu'il n'osait aller au cabaret le dimanche, de peur d'être forcé de régaler d'une tournée ses amis, ce qui l'aurait pour longtemps endetté. Et sa femme, orgueilleuse de sa ferme, qui la faisait vivre en rentière, exagérait peut-être la valeur de rapport de sa terre. En tout cas, elle avait eu tort de secouer Roulant d'aussi violente façon. Ce n'est pas à lui qu'un client, même le meilleur, aurait ainsi parlé, au temps où il débitait dans sa boutique ses cordages, toiles à voile et instruments de pêche en eau douce. Tout en se promenant sur la berge, baigné de clarté, Cyril regrettait de ne pouvoir aller à la ferme. Il aurait fait des excuses à Roulant, qui, somme toute, l'avait bien payé intégralement. Et, pour un malheureux dindon, sa femme s'était mise en colère. Et que lui arriverait-il s'il mettait sa ferme en location? Peut-être bien ne se présenterait-il personne pour la prendre. Et il serait alors dans de beaux draps, car c'était leur seul revenu, ces 2000 francs. Il y avait bien la maison où ils habitaient qui leur appartenait, mais puisqu'ils l'occupaient, elle coûtait les impositions, ce qui était déjà assez cher de loyer. Ils ne dépensaient pas tout leur revenu, mais son garçon, à qui il avait cédé son fonds, avait une nombreuse famille, et de peur de le voir faire faillite, ce qui aurait déshonoré le nom des Gorons dans la rue Jeanne d'Arc, on lui envoyait à tout moment des 100 francs pour payer une traite, le loyer et les livres de l'aîné, qu'ils avaient déjà mis à la salle d'asile, et les langes du jeune, encore en nourrice. À cela, il n'y avait rien à dire, car son fils n'était pas trop dépensier, et lui-même se rappelait qu'il avait autrefois tout juste quoi arriver. Sous ses yeux, la Seine coulait lentement. Au coude, disparaissait un grand brick, toutes voiles ouvertes, que traînait un remorqueur. Et Cyril s'amusait à regarder dans l'eau bleue l'ombre reflétée de la fumée noire.